La Comtesse de Charny par Alexandre Dumas. Tome 5e, chapitre 149e, la nuit du 9 au 10 août. Que nos lecteurs nous permettent de les transporter dans une maison de la rue de l'Ancienne Comédie près de la rue Dauphine. Au premier étage demeurait Fréron. Passons devant sa porte. Nous y sonnerions inutilement. Il est au second, chez son ami Camille Desmoulins. Pendant que nous montons les 17 marches qui séparent un étage de l'autre, disons rapidement ce qu'était Fréron. Fréron, Louis Stanislas, était le fils du fameux Élie Catherine Fréron, si injustement et si cruellement attaqué par Voltaire. Quand on relit aujourd'hui les articles de critique dirigés par le journaliste contre l'auteur de La Pucelle, du Dictionnaire philosophique et de Mahomet, on est tout étonné de voir que le journaliste en disait juste, en 1754, ce que nous en pensons en 1854, c'est-à-dire 100 ans après. Fréron, le fils, qui avait alors 35 ans, irrité par les injustices dont il avait vu accabler son père, mort de chagrin en 1776, à la suite de la suppression par le garde des Sceaux Miroménil de son journal L'Année littéraire, Fréron avait embrassé avec ardeur les principes révolutionnaires et publié, ou allait publier à cette époque, l'Orateur du peuple. Dans la soirée du 9 août, il était, comme nous l'avons dit, chez Camille Desmoulins, où il soupait avec Brune, le futur maréchal de France, et en attendant, Prout dans une imprimerie. Barbaroux et Rebecky étaient les deux autres convives. Une seule femme assistait à ce repas, qui avait quelque ressemblance avec celui que faisaient les martyrs avant d'aller au cirque, et que l'on appelait le repas libre. Cette femme, c'était Lucile. Doux nom, charmante femme, qui ont laissé un douloureux souvenir dans les annales de la Révolution. Nous ne pourrons pas t'accompagner dans ce livre, du moins jusqu'à l'échafaud où tu voulus monter, aimant tes poétiques créatures, parce que c'était la route la plus courte pour rejoindre ton mari. Mais nous allons, en passant, esquisser ton portrait en 2 coups de plume. Un seul portrait reste de toi, pauvre enfant. Tu es morte si jeune que le peintre a été, pour ainsi dire, forcé de te saisir au passage. C'est une miniature que nous avons vue dans cette admirable collection du colonel Morin, que l'on a laissée se disperser, toute précieuse qu'elle était, à la mort de cet excellent homme qui mettait avec tant de complaisance ses trésors à notre disposition. Dans ce portrait, Lucile paraît petite, jolie, mutine surtout. Il y a quelque chose d'essentiellement plébéien sur son charmant visage. En effet, fille d'un ancien commis aux finances et d'une très belle créature que l'on prétendait avoir été la maîtresse du ministre des Finances Terray, Lucile, ainsi que le prouve son nom, Lucile Duplessis Laridon, était comme Madame Roland, d'une extraction vulgaire. Un mariage d'inclination avait, en 1791, uni à cette jeune fille, relativement riche pour lui, cet enfant terrible, ce gamin de génie que l'on appelait Camille Desmoulins. Camille pauvre, assez laid, parlant difficilement à cause de ce bégaiement qui l'empêcha d'être orateur et en fit peut-être le grand écrivain que vous savez, Camille l'avait séduite à la fois par la finesse de son esprit et la bonté de son cœur. Camille, quoiqu'il fût de l'avis de Mirabeau, qui avait dit « Vous ne ferez jamais rien de la Révolution si vous ne la déchristianisez pas. » Camille s'était mariée à l'église Saint-Sulpice selon le rite catholique. Mais en 1792, un fils lui étant né, il porta ce fils à l'hôtel de ville et réclama pour lui le baptême républicain. C'était là, dans un appartement du second étage de cette maison de la rue de l'Ancienne Comédie, que venait de se dérouler, au grand effroi et en même temps, au grand orgueil de Lucile, tout ce plan d'insurrection que Barbaroux avait naïvement avoir envoyé 3 jours auparavant dans une culotte de Nankin à sa blanchisseuse. Aussi, Barbaroux, qui n'avait pas grande confiance dans la réussite du coup de main qu'il avait préparé lui-même et qui craignait de tomber au pouvoir de la cour victorieuse, montrait-il, avec une simplicité tout antique, un poisson préparé comme celui de Condorcet par Cabanis. Au commencement du souper, Camille, qui n'avait guère plus d'espoir que Barbaroux, avait dit, en levant son verre, pour ne pas être entendu de Lucile, « Edamus et bibamus, crassenim moriemur. Mangeons et buvons, car nous mourrons demain. » Mais Lucile avait compris. « Bon, avait-elle dit, pourquoi parler une langue que je n'entends pas ? Je devine bien ce que tu dis, bah Camille, et ce n'est pas moi, sois tranquille, qui t'empêchais de remplir ta mission. » Et sur cette assurance, on avait parlé librement et tout. Fréron était le plus résolu de tous. On savait qu'il aimait une femme d'un amour sans espoir, bien qu'on ignorât quelle était cette femme. son désespoir, à la mort de Lucille, révéla ce secret fatal. « Et toi, Fréron ?» lui demanda Camille. « As-tu du poison ?»« Oh, moi » dit-il. « Si nous ne réussissons pas demain, je me fais tuer. Je suis si las de la vie que je ne cherche qu'un prétexte pour m'en débarrasser. » Rebecky était celui qui avait le meilleur espoir dans le résultat de la lutte. « Je connais mes Marseillais, » disait-il. « C'est moi qui les ai choisis de ma main. Je suis sûr d'eux, depuis le premier jusqu'au dernier. Pas un ne reculera. » Après le souper, on proposa d'aller chez Danton. Barbaron et Rebecky refusèrent en disant qu'ils étaient attendus à la caserne des Marseillais. C'était à la porte, à 20 pas à peine de la maison de Camille Desmoulins. Fréron avait rendez-vous à la commune avec Sergent Emmanuel. Brune passait la nuit chez Santerre. Chacun se rattachait à l'événement par un fil qui lui était propre. On se sépara. Camille et Lucille seules allaient chez Danton. Les deux ménages étaient très liés, non seulement les hommes mais encore les femmes. On connaît Danton. Nous-mêmes, plus d'une fois, derrière les maîtres que l'on peint à grands traits, nous avons été appelés à le reproduire. Sa femme est moins connue, disons-en quelques mots. C'était encore chez le colonel Morin que l'on pouvait retrouver un souvenir de cette femme remarquable qui fut, de la part de son mari, l'objet d'une si profonde adoration. Seulement, ce n'était point une miniature qui restait d'elle comme de Lucille, c'était un plâtre. Michelet croit que ce plâtre avait été moulé après la mort. Le caractère en était la bonté, le calme et la force. Sans être déjà malade de la maladie qui la tuait en 1793, elle était déjà triste et inquiète, comme si, étant toute proche de la mort, elle eût eu des perceptions de l'avenir. La tradition ajoute qu'elle était pieuse et timide. Elle s'était cependant un jour, malgré cette timidité et cette piété, vigoureusement prononcée, quoique son avis fût opposé à celui de ses parents. C'était le jour où elle avait déclaré qu'elle voulait épouser Danton. Comme Lucille dans Camille Desmoulins, elle avait, elle, derrière cette face sombre et bouleversée, dans l'homme ignoré, sans réputation ni fortune, reconnu le dieu qui, comme Jupiter fit à ses mêlées, devait la dévorer en se révélant à elle. On sentait que c'était une fortune terrible et pleine de tempêtes que celle à laquelle s'attachait la pauvre créature. Mais peut-être y eut-il dans sa décision autant de piété que d'amour pour cet ange de ténèbres et de lumière, qui devait avoir le funeste honneur de résumer cette grande année de 1792, comme Mirabeau résume 1791, comme Robespierre résume 1793. Lorsque Camille et Lucille arrivèrent chez Danton, les deux ménages demeuraient porte à porte, Lucie et Camille, nous l'avons dit, rue de l'Ancienne Comédie, Danton rue du Pont Saint-André. Madame Danton pleurait, et d'un air résolu, Danton essayait de la consoler. La femme alla à la femme, l'homme à l'homme. Les femmes s'embrassèrent, les hommes se serrèrent la main. « Crois-tu qu'il y aura quelque chose ?» demanda Camille. « Je l'espère, » répondit Danton. « Cependant, Santerre est tiède. Par bonheur, à mon avis, l'affaire de demain n'est point une affaire d'intérêt personnel, de meneur individuel. L'irritation d'une longue misère, l'indignation politique, le sentiment de l'approche de l'étranger, la conviction que la France est trahie, voilà sur quoi il faut compter. 47 sections sur 48 ont voté la déchéance du roi. Elles ont nommé chacune 3 commissaires pour se réunir à la commune et sauver la patrie. Sauver la patrie, dit Camille en secouant la tête. C'est vague. Oui, mais en même temps, c'est bien étendu. Et Marat, et Robespierre. On n'a vu naturellement ni l'un ni l'autre. L'un est caché dans son grenier, l'autre dans sa cave. L'affaire finie, on verra reparaître l'un comme une belette, l'autre comme un hibou. Et Pétion ? Ah, bien malin, qui dira pour qui il est ? Le 4, il a déclaré la guerre au château. Le 8, il a averti le département qu'il ne répondait plus de la sûreté du roi. Ce matin, il a proposé l'établissement des gardes nationaux sur le carrousel. Ce soir, il a demandé au département 20 000 francs pour envoyer les Marseillais. « Il va endormir la cour, » dit Camille Desmoulins. « Je le crois aussi, » dit Danton. En ce moment, un nouveau couple entra. C'était monsieur et madame Robert. On se rappelle que madame Robert, mademoiselle de Keralio, dictait le 17 juillet 1791, sur l'autel de la patrie, la fameuse pétition que son mari écrivait. Tout au contraire des deux autres couples, où les maris étaient supérieurs aux femmes, ici la femme était supérieure au mari. Robert était un gros homme de 35 à 40 ans, membre du club des Cordeliers, avec plus de patriotisme que de talent, n'ayant aucune facilité pour écrire, grand ennemi de Lafayette, fort ambitieux, si l'on en croit les mémoires de Madame Roland. Madame Robert avait alors 34 ans. Elle était petite, adroite, spirituelle et fière. Élevée par son père, Guinement de Keralio, chevalier de Saint-Louis, membre de l'Académie des inscriptions, qui comptait, parmi les écoliers qu'il avait eus, un jeune Corse dont il était loin de prévoir la gigantesque fortune. Élevée par son père, disons-nous, Mademoiselle de Keralio avait tout doucement tourné à la savante et à la femme de lettres. À 17 ans, elle écrivait, traduisait, compilait. À 18 ans, elle avait fait un roman, Adélaïde. Comme le traitement de son père ne suffisait pas à celui-ci pour vivre, il écrivait dans le Mercure et dans le journal des savants, et plus d'une fois, il signa des articles de sa fille qui étaient loin de déparer les siens. C'est ainsi qu'elle arriva à cet esprit vif, rapide, ardent, qui fit d'elle un des plus infatigables journalistes du temps. Les époux Robert arrivaient au du quartier Saint-Antoine. L'aspect en était étrange, disait-il. La nuit était belle, doucement éclairée, paisible en apparence. Il n'y avait personne ou presque personne dans les rues. Seulement, toutes les fenêtres étaient illuminées et toutes ces lumières semblaient briller pour éclairer la nuit. C'était d'un effet sinistre. Ce n'était pas l'illumination d'une fête. Ce n'était pas non plus cette lueur qui veille à la couche des morts. On sentait en quelque sorte vivre le faubourg à travers ce sommeil fiévreux. Au moment où Madame Robert achevait son récit, le son d'une cloche fit tressaillir tout le monde. C'était le premier coup du tocsin qui retentissait au cordelier. « Bon, dit Danton, je reconnais nos Marseillais. Je me doutais bien que ce serait eux qui donneraient le signal. » Les femmes se regardèrent avec terreur. Madame Danton surtout portait sur son visage tous les caractères de l'effroi. « Le signal, dit Madame Robert, on va donc attaquer le château pendant la nuit ?» Personne ne lui répondit. Mais Camille Desmoulins, qui, au premier glas de la cloche, était passée dans la chambre voisine, rentra un fusil à la main. Lucile poussa un cri. Puis sentant qu'à cette heure suprême, elle n'avait pas le droit d'amoindrir l'homme qu'elle aimait, elle se jeta dans l'alcôve de Madame Danton, tomba à genoux, appuya sa tête sur le lit et se mit à pleurer. Camille vint à elle. « Sois tranquille, je ne quitterai pas Danton. » Les hommes sortirent. Madame Danton semblait près de mourir. Madame Robert, pendue au cou de son mari, voulait absolument l'accompagner. Les trois femmes restèrent seules. Madame Danton, assise et comme anéantie. Lucile, à genoux et pleurant. Madame Robert, parcourant la chambre à grands pas et disant, sans s'apercevoir, que chacune de ses paroles frappait au cœur Madame Danton. « Tout cela, c'est la faute de Danton. Si mon mari est tué, je mourrai avec lui. Mais avant de mourir, je poignarderai Danton. » Une heure à peu près se passa ainsi. On entendit la porte du palier se rouvrir. Madame Robert se précipita en avant. Lucile releva la tête. Madame Danton resta immobile. C'était Danton qui rentrait. « Seul ?» s'écria Madame Robert. « Rassurez-vous, dit Danton, il ne se passera rien avant demain. « Mais Camille ?» demanda Lucile. « Mais Robert ?» demanda Mademoiselle de Keralio. « Ils sont au cordelier, où ils rédigent des appels aux armes. Je viens vous donner de leurs nouvelles, vous dire qu'il n'y aura rien cette nuit, et la preuve, c'est que je vais dormir. » Il se jeta en effet tout habillé sur son lit, entre la royauté et le peuple, une question de vie et de mort. À 1 heure du matin, Camille rentra à son tour. « Je vous apporte des nouvelles de Robert, » dit-il. « Il est allé à la commune porter nos proclamations. Ne soyez pas inquiète, c'est pour demain seulement, et encore, et encore. » Camille secoua la tête en homme qui doute. Puis cette tête, il alla l'appuyer sur l'épaule de Lucile, et à son tour il s'endormit. Il dormait depuis 1/2 heure à peu près, lorsqu'on sonna à la porte. Madame Robert alla ouvrir, c'était Robert. Il venait chercher Danton de la part de la commune. Il réveilla Danton. « Qu'ils aillent et qu'ils me laissent dormir, » s'écria celui-ci. « Demain, il fera jour. » Robert et sa femme sortirent. Ils rentraient chez eux. Bientôt sonna de nouveau. Ce fut Madame Danton qui alla ouvrir. Elle introduisit un grand garçon blond, d'une 20aine d'années, habillé en capitaine de la garde nationale. Il tenait un fusil à la main. « Monsieur Danton ?» demanda-t-il. « Mon ami !» dit Madame Danton en éveillant son mari. « Eh bien quoi ?» fit celui-ci. « Encore ?»« Monsieur Danton, » dit le grand jeune homme blond, « on vous attend là-bas. »« Où là-bas ? À la commune. »« Qui m'attend ?»« Les commissaires des sections, et particulièrement Monsieur Billot. » « L'enragé, » dit Danton. C'est bien. Dites à Bio que je vais y aller. » Puis regardant ce jeune homme, dont le visage lui était inconnu et qui portait encore enfant les insignes d'un grade presque supérieur, « Pardon, dit-il, mon officier, mais qui êtes-vous ? Je suis Ange Pitou, monsieur, capitaine de la garde nationale d'Aramon. Hein ? Ancien maqueur de la Bastille. Bon. J'ai reçu hier une lettre de monsieur Bio qui me disait que probablement on allait se cogner rudement ici et que l'on avait besoin de tous les bons patriotes. Et alors ? Alors je suis parti avec ceux de mes hommes qui ont bien voulu me suivre. Mais comme ils sont moins bons marcheurs que moi, ils sont restés à Dammartin. Demain, de bonne heure, ils seront ici. À Dammartin ? Demanda Danton. Mais c'est à 8 lieues d'ici. Oui, monsieur Danton. Et à Ramon, à combien de lieues est-ce de Paris ? À 19 lieues. Nous sommes partis ce matin à 5 heures. Hein ? Et vous avez fait vos 19 lieues dans votre journée, vous ? Oui, monsieur Danton. Et vous êtes arrivé ? À 10 heures du soir. J'ai demandé monsieur Biot. On m'a dit qu'il était sans doute au faubourg Saint-Antoine, chez monsieur Santerre. J'étais chez monsieur Santerre, mais là, on m'a dit qu'on ne l'avait pas vu, et que je le trouverais probablement au Jacobin, rue Saint-Honoré. Au Jacobin, on ne l'avait pas vu, et l'on m'a renvoyé au Cordelier. Au Cordelier, on m'a dit d'aller voir à l'hôtel de ville. Et à l'hôtel de ville, vous l'avez trouvé ? Oui, monsieur Danton. C'est alors qu'il m'a donné votre adresse et qu'il m'a dit « Tu n'es pas fatigué, n'est-ce pas, Pitou ?»« Non, monsieur Bio. » »« Eh bien, va dire à Danton que c'est un paresseux et que nous l'attendons. » « Morbleu ! » dit Danton, sautant en bas du lit. « Voilà un garçon qui me fait honte. Allons, mon ami, allons !» Et il alla embrasser sa femme, puis sortit avec Pitou. Sa femme poussa un faible soupir et renversa sa tête sur le dos de son fauteuil. Lucile crut qu'elle pleurait et respecta sa douleur. Cependant, au bout d'un instant, voyant qu'il ne bougeait pas, elle réveilla Camille, puis elle alla à madame Danton. La pauvre femme était évanouie. Les premiers rayons du jour glissaient à travers les fenêtres. La journée promettait d'être belle, mais comme si c'eût été un augure néfaste, le ciel était couleur de sang.